À ce rythme, un jour la vie humaine disparaîtra. Sur terre, plus d'abri ni d'amis à se faire. Tant de choses simples à refaire. Coloniser des terres, n'en faire qu'à tort et à travers. Goudronner les sentiers, croisant les chemins de fer. Tant de choses simples à refaire. Peu à peu tu grignotes la nature jusqu'à l'ébranler, repoussant les limites du progrès sans te soucier. Tant de choses simples à refaire. Ressources épuisées, un mystère. Les mers,